et CKRL 89.1. Le mardi 9 mai, ici Dominique Lelièvre et vos informations. Les quelques 2000 sinistrés au Québec ne sont pas au bout de leur peine. Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a mentionné en matinée que le retour à la normale pourrait prendre encore plusieurs semaines. Dans l'ouest et le centre de la province, la situation se stabilise et on prévoit une diminution graduelle du niveau de l'eau au cours des prochaines heures. Certains secteurs, en Mauricie, sur la Côte-Nord et en Gaspésie, demeurent toutefois à risque. De son côté, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a confirmé que le fédéral assumerait la totalité de la facture pour le déploiement des forces armées canadiennes. Plusieurs propriétaires de résidences inondées pourraient toutefois avoir du mal à toucher des indemnités, puisque selon le Bureau d'assurance du Canada, une majorité d'entre eux ne serait pas assurée pour les inondations. Il y aura une nouvelle place publique dans le quartier Saint-Roch. L'organisme d'accompagnement en santé mentale Pêche Sherpa entend aménager dès le 26 juin un lieu pour tenir des activités sociales et culturelles au coin du boulevard Charest-Est et de la rue Saint-Anselme. L'organisme travaille avec des étudiants en architecture sur de l'aménagement urbain. L'endroit offrira des jeux pour enfants, des espaces de repos ainsi qu'un jardin communautaire et une programmation culturelle. Il permettra de créer des liens entre les populations marginalisées et la communauté dans la basse ville. À l'ancienne Lorette, les citoyens sont de plus en plus impatients face aux activités du complexe Capital Hélicoptère. Près de 150 d'entre eux ont pris part hier soir à une première séance d'information sur la pollution sonore causée par le passage des hélicoptères. Le directeur des opérations chez Capital Hélicoptère a tenté d'expliquer que son entreprise avait mis en place des mesures d'atténuation. Rien pour convaincre les citoyens qui semblaient tous exaspérés. Présent sur place, le maire de l'ancienne Lorette, Émile Loranger, a affirmé être bien au fait de la problématique. Il promet de continuer le travail auprès du comité de gestion sur le climat sonore. C'est une assemblée mouvementée sur fond de controverses qui s'annonce pour Bombardier. L'entreprise tiendra jeudi son assemblée annuelle des actionnaires. Plusieurs d'entre eux ont fait savoir qu'ils s'opposeraient à la réélection de Pierre Beaudoin comme président du conseil d'administration de Bombardier. C'est le cas notamment de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, du Fonds de solidarité FTQ et, a-t-on appris ce matin, du régime de retraite des enseignants de l'Ontario qui, à l'instar des autres actionnaire, plaidera pour la nomination d'un nouveau président qui serait indépendant, Pierre Beaudoin étant, rappelons-le, membre de la famille qui contrôle l'entreprise. Printemps, été, automne, hiver, météo. 9 degrés avec 60% de probabilité d'averse de pluie, c'est ce qu'on prévoit aujourd'hui pour Québec. Ce soir et cette nuit, 40% de probabilité d'averse, un maximum de 3 degrés. Demain mercredi, c'est un scénario similaire, 9 degrés avec de la pluie en intermittence. Le retour du soleil, c'est pour jeudi avec un maximum de 14 degrés. Présentement, à Québec, c'est très nuageux, on a 6 degrés.